بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمدمج أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبع ثاره واكتفى، أما بعد. وكيا أمس يعني رأينا أحكام الإضافة، صح؟ On a vu parmi les ahkam, parmi les règles qu'il faut observer dans l'idafa, la première. Man. Il jarrad min al-tanwin, c'est-à-dire que le mudaf il prend pas le tanwin. La deuxième. On avait dit. Il jarrad. Tajrid al-al. Tajrid al-ash. Mudaf ou al-mudaf ilay? Al-mudaf ilay. Lay yakhudh al-al. Al-mudaf. Yani tajriduhu min al-al. Yani al-mudaf. Il ne prend pas de tenmin, il ne prend pas kazalika, il ne prend pas elle. T'as et le troisième? Qui sera le troisième? Donc trois règles à respecter. Premier, tenmin, il ne prend pas l'ani. Dans le mudaf, il y a deux règles, et dans le mudaf, il y a une règle. Dans le mudaf, il y a deux règles, c'est qu'il ne prend pas elle, il ne prend pas tenmin. Le deuxième, qui est le mudaf, il ne prend pas, et où il est da'iman majrur. C'est-à-dire, soit il finit par une kasra. Ou kasratin, ou ma naba anahuma, ce qui remplace la kasra, kasratin. Et on a vu kadalika que al-mudaf il fait partie des catégories des noms définis. Le mudaf il fait partie des catégories mudaf, des noms définis. Maintenant, quand tu dis baytullahi, le mudaf il est défini. Pourquoi? Parce qu'il a été annexé à une chose qui est définie. On a vu ça. Rappelez. Oui, mais quand le mudaf il est nakir. Ouais, quand tu as dit laquelle le mudaf il devient, quand est-ce qu'il devient hein, parmi les noms définis à partir du moment où il est annexé à un mot qui est défini. S'il est annexé à un mot qui est défini, ça va être un mot défini kadhalika. Ah, mais s'il est annexé vers un mot qui est indéfini, mathalan bayt wa rajulin, bayt wa rajulin, on n'a pas dit bayt wa rajulin, bayt wa rajulin, ça fait pas de lui défini. C'est pas de lui défini. Après on a vu quoi? Hunaka. Qui c'est qui va m'appeler Hunaka? C'est pour dire là-bas ou ici. Ma'anahu là-bas ici. C'est quoi sa définition? Honaka. C'est ismu ishara. Ismu ishara. Ou awalan tu dis c'est un mot qui se compose de deux choses. Yani mu'allaf. Il est composé de deux mots. Mu'allaf murakkab min kalimatayn. Il est composé de deux mots. La première, hona, la deuxième, le kaf. Ash ma'ana hona? اسم إشارة. اسم إشارة. بقي شيء. القريب. نعم. المكان. القريب. هنا يعني. tu parles ici. En gros ils disent ils utilisent pour ça. Toi. Et lorsque et le kaf c'est quoi? On a dit kaf. كاف الخطاب و. البعد. الكاف الخطاب والبعد. C'est qu'il est utilisé pour يعني porter un discours et pour indiquer une distance, il est loin. Tam honak ou yakolon yani mutawasit. Ni loin ni proche entre les deux. Honak, c'est pour qu'une chose ils disent qu'est-ce qui est pas très loin. Yani ni loin ni près ni proche. Ah, il y avait encore un autre truc. Il y avait quoi encore? Tahta. On a vu c'était dharf. ظرف ظرف مكان مكان ظرف مكان للغريب يلزم لا ليس للغريب لا في في في الغائب في الغالب يلزم حرف الجر لا اضافه جس كي بابنيغ ابغي تحت جينيرالمون يبات مضاف تحت المكتب تحتك تم كما الوح كذلك تم تحت السرير نسكفنا ابغي يبات مضاف اليه تم وانا في كذلك هنا لا يا اليا هنا بك هناك لا سي كومبوزي واليا يا اسم نضاف حرف نداء تمام حرف نداء على بس سيتي كوا سي بو انتر مي لا باز سيتي او اتوستي نعبد نو سيتي با نعبد كيس كو جرا سيتي مريد نو كومون تي ديابلي ان عرب ادعو ندعو ادعو لما تقول يا فلان او تقول يا محمد اي ادعو محمدا جابل محمد تمام D'accord ? Et adorer en la basse. Là, c'est la prêche. C'est pareil, c'est l'appel. Non, je peux regarder, j'ai oublié. Huna alika ? Nasit. Huna alika, betul yal mu'minun. On avait dit quoi ? Donc le ya ? Non, asduhu, c'était quoi ? Adorer. Huzifa wa uniba maqamahu al ya. Il a été remplacé par le ya. Ya fulan. Ils disent, parce que les quatre artistes, pourquoi ? Parce qu'ils l'employent souvent. Ils appellent souvent les gens. Donc là, le fait, lorsqu'une chose qui se répète comme ça, et tu utilises pour cela un terme qui est long, ad'ou fulan, ad'ou fulan, ils disent, c'est pour ça qu'ils sont venus avec le ya. Ils n'ont pas fait une qaïda. Toute chose dont on interpelle souvent, on va prendre un ya. Non. Ils ont vu les Arabes, ils ont analysé, ils ont dit une chose qu'eux, ils avaient l'habitude d'appeler souvent, kata kata. Ils ont délaissé le verbe qui est long pour prendre un harf qui est court parce qu'il l'utilise beaucoup. C'est quoi le plus simple? Que tu dis ad'u fulan ou tu dis ya Muhammad? Le ya le plus simple. Adam, ils ont dit ça comme ça. Tu vois? Déjà, les exercices, on va les faire aujourd'hui, mais oralement. Tu vois? Comme ça va permettre de. Je vous dis. L'exercice numéro 5, donc c'est. Tam. À l'oral. Qala ajib anil as'ilati al-atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Ajib répond anil as'ila aux questions al-atiya suivantes. قال أين كتاب محمد؟ Vas-y, réponds, fais une phrase. كتاب محمد في المكتبة. On a vu une chose, si jamais tu as la possibilité de rappeler encore, tu peux remplacer par une chose que dès que tu vas la prononcer, on va savoir de quoi tu parles. هو علاش؟ في المكتبة. في المكتبة. Je veux toute la haraka. هو في المكتبة. تمام. هو في المكتبة. أين كتاب عمار؟ Vas-y. Où est le livre de Ammar? Appuie la phrase en disant il est là-bas, sur le bureau. Là, c'est sûr. Ouais, mais comment tu dis là-bas? Il est là-bas sur le bureau. هو هناك على المكتب تمام اين حقيبه المدرس هو تحت المكتب انظر اين الحقيبه اين حقيبه المدرس هي تحت المكتب تمام سوى بخلا اضيف الكلمات الاولى الى الثانيه Donc il nous dit annexe le premier mot avec le deuxième. C'est un exemple. Kitabu Muhammadun. Tu fais l'annexion, tu diras Kitabu Muhammadin. Fais la suite. Qalamun Hamidun. Comment tu fais l'annexion entre les deux? Qalamu Hamidin. Tamam. Baytu Abbasun. Comment tu fais l'annexion entre les deux? Elle dit Baytu. Hein? Après, j'ai pas entendu. T'as dit? Baytu. On avait dit le mudaf il prend pas de tanwin. Donc ça va être Baytu Abbasin. Parce que le mudaf ilayhi, il prend toujours, il est majrur. Ghurfatu Aliyun. Ça fait Ghurfatu Aliyun. Alors. Bartek. À toi. دفتر سعيد وبعدين منديل ياسرون Parce que comme on a dit, la base est qu'il ressemble. Mindilo, yasir. Ah, mais yasir, il est obligé de changer. Pourquoi ? Parce que le modaf, il a. C'est lui qui a fait l'action sur lui. Sur le modaf, il est obligé de changer. Il dit Qamis, Ammar. Qamis, Ammarin. Attends, regardez. Sariru, Khalid. Khalid. La suite. Al-Maktab. Maktabu, Al-Mudarrisi. مكتبون المدارس مكتب المدارس نعم المدرس تمام نجي مفتاح باب مفتاح مفتاح البيت نعم بعده بيت المهندس لا تصوت عندك دكان دكان دكان دكان دكان دكان التاجر دكان التاجر دكان التاجر تاء تاجر دكان لا دكان التاجر Mais le truc, c'est comme. C'est pareil là, c'est-à-dire dans Kitab, ils ont mis la Kesra. Kitab. Ils n'ont pas mis la Kesra. Mohammed n'a pas mis. Parce que le mot, il est connu, Mohamed. Non, il parlait pas de la Kesra, il parlait de la. Non, je parle de la. C'est pour ça, le mot, il est connu, Mohamed. Ah, tu, toi, tu es t'es censé savoir que le test est mis une hurouf et la Qamariya, Shamsiya. Lui, ils avancent comme ça. À chaque fois qu'une chose que tu connais, ils enlèvent. Mais normalement, il doit y avoir. Ouais, mais là, ils n'ont pas écrit, c'est Adi. C'est normal. Parce que tu es censé connaître. Tu penses à plus tu avances, et moins il y aura de harakat hadil ashir. Parce que tu es censé savoir. C'est pour ça qu'ils mettent plus. Ils en ont besoin. Sauf, tu vas voir dans les mufradat, comment ça va venir là, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça. Parce que, il faut que tu t'habitues. Vas-y, Bardi. Non. Baitul Muhandis. OK. اسم ولد اسم ولدي نعم كتاب الله بنت الطبيب ليس الطبيب ها لا مش اسمه طبيبي ليس ال اط شمسيه بيت الطبيب بيت الطبيب مفتاح سيارتي نعم اجي toujours que c'était سياره ça وزينه دي سياره Vas-y, lisez là, ça c'est pas mal. Iqra. Le troisième verset, sautez-le. Ah ouais. Le troisième, vous frachez vos sueurs. Iqra wa aktub maha, dawabit awakh al kalimat. Ça vous frachez vos sueurs. Lis le quatrième là. Iqra. Lis, vas-y. Avec toute la harakat. Aïna baytul mudarrisi. Huwa ba'id. Pardon. Le Coran. القرآن La base c'est Coran. Pourquoi Coran là? Tant qu'il n'y a rien qui change, il reste comme il est. Un. القرآن كتاب. أيوه. كتاب الله. لا أفضل مضاف مضاف. بس كل القرآن إيه اللي يفضل الله عز وجل؟ القرآن لا تبقى في نضافة بين القرآن والكتاب. T'as pas apporté un sens que le Coran c'est une appartenance avec le livre ou bien non. Ah, le Coran, pour ça il faut comprendre avant. Si tu comprends pas, tu peux rien faire. Attends, tu comprends le sens de la phrase. C'est le kitab d'Allah. Ah. Voilà. Le, entre Coran et kitab, il n'y a pas d'annexion. Entre Coran, voilà. Amalot, n'am, kitabullahi. Vas-y, al-ka'batu. Al-ka'batu, baytu. بعدين أتوا محمد كتخيم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله خرج المدرس المدرس خرج المدرس من غرفة المدير. شكرا المدير. الديكتور. أبعدين. لا تطلع. هذا بيت حامد. وذلك بيت خالد. C'est deux prénoms. Hamid c'est un prénom et Khalid c'est un deuxième prénom. C'est quoi ce que j'ai dit? T'as dit quoi? Khalidin. وذلك بيت خالد. Vas-y. ابن عمار طالب. ابن عمار. ابن عمار طالب. تا؟ طالب. طالب. هو ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر بيت المدرس. انبيه انت المدرس استوب كده المدرس بيت المدرس بيت المدرس بيت بيت المدرس بعيد وبيت التاجري التاجري بس التاجري تاجر تاجري قريب قريب هذا مفتاح سيارة مفتاح سيارة أين مفتاح بيتي أين أين مفتاح بيتي بعدين بيتي. البيت مفتاح البيت أين مفتاح البيت من من أنت يا ولد يا إيش ولد نعم أنا ابن عباس وابن من هو هو ابن هو ابن إيش هو ابن إيش هو ابن هو ابن هو ابن هو ابن خالدين خالدين خالدين خالدين خالدين mettez moi je vous dis hein, mettez prolongez beaucoup si vous prenez pas si tu prolonges pas dès le début tu auras du mal prolonge prolonge hatta fais le mot bas à la racine خالدين à la fin tu feras plus de fautes prononce prolonge bien vas-y pardon à toi أين مسجد؟ أين أين أين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المدينة المنورة. وهذا قالوا التعبير l'appellation المدينة مدينة المنورة يدي ça c'est critiquable. Quoi? Parce que. De quoi? Oui, parce que c'était depuis l'entraînement de Nabi. Lakin, la maman de Nabi Sallam, qu'elle a azzama kulla shay. Sa mort, elle a assombri al-Madina. depuis sa mort. Tu vois, un hadith qui vient comme ça. Yani Ibn Abbas, je crois que c'était. Il dit Falamma ma'ata azlamaha kullashi. Kullashi. Et sa mort, elle a sombré la Médina. Ils disent, hatta shiraya, on l'a vu dans le Jami' al-Sahih. Il dit, donc le fait d'appeler le Munawwar après qu'il est mort, Al-Madina, tu dis Madinat al-Rasulillah, tu vois. Ça, ça va. Madinat Mubarak, voilà. Amma al-Munawwara. C'est un qui est perdu ou dont on n'a pas de preuve. Il est perdu. Dans le sens où, par rapport, ils disent par rapport au hadith, comme l'a dit, fa'adlama kullashi. Fa'adlama kullashi. Pourquoi ça se dit pas, c'est ça? Ils disent, Yanni, c'est après le hadith qui est venu, qui dit qu'il a assombré que le chien, comment tu peux dire qu'elle est lumineuse? Ah, ouais. Vous êtes lumineuse? Non, tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Medina Mouara. Donc, toi, tu sors du truc, tu dis quoi? Medina Tour Rasulillah. Mais à moi, tu dis Medina Tour Mouara, est-ce que t'es Asim ou pas? Là, c'est pas une histoire de Asim ou de ça. C'est une histoire de. Yanni, de la justesse dans l'expression. Et après que le hadith il soit venu, le athar, donc ça montre que. بيت حامد في المدر في المدرس في الم في المدرسة وبيت محمد وبيت محمد في الجامعة. Tiens, Yachouf, tu peux, si maintenant tu comprends pas la phrase là, بيت حامد. Ah ouais, je l'ai lu, il a بيت. Ah, Bintou, ah, moi je me suis fait avoir. Non, c'est Bintou, Bintou. Ah. Bintou, Bintou. Ah. Non, bien, c'est ça. C'est Bintou, Bintou Hamidin fil Madrasa, ou Bintou Mohamedin fil Jamia. C'est la belle maison dans l'université, c'était. Ah, c'est bizarre. Donc, regardez, chauffe. Maintenant, tu lis là. El Mim, El Da, Ra, Sid, Temarota. Ça peut être Mudarrisa. Tu peux le, c'est un, le lam, il peut être pour dit pour madrasa, il peut être aussi dit pour madrasa. Là, lorsque tu lis le contexte de la phrase, tu sais que ça peut pas être madrasa. Ça peut pas être l'enseignante. Baytu Hamidin fi madrasa. Elle est pas, la maison elle est à l'intérieur de la bint, elle est à l'intérieur de, non. Mais si jamais t'as compris le contexte, tu sais déjà, aslan, c'est pas madrasa. Donc ça veut dire que c'est bien, avant que tu lises, comprends la phrase. Si t'as compris la phrase, tu vas voir. Tu vas mettre les caisses sur tout ce qu'il faut dans sa place. Tu lis, tu fais attention, tac, tac, tac. Ah ouais, okay. J'ai compris le truc. Bintu Hamidin fil madrasa. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismu al muhandis Khalidun. Vas-y. Ammu talibi ghaniyun. L'oncle du professeur ou de l'étudiant. Vas-y, attends. Bab al masjid maftouh wa bab mudarras mudarris. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Wa bab madrasa. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mughraq. Naam. Vas-y, fais de l'arrière. Khalid. Ya. Akid. Hein? خالد هنا يلول دل خال حامد فقير خال حامد فقير سلوك فقير ها بعدين نعم في لسه فاضل دامي اوكي صحتي سيارة عباس في شارع كذا انا بس. Mais il en reste deux. À chacun, non? Il en a fait deux d'affilée, là. Il était absent. Ouais, ben, deux d'affilée, ça suffit. C'est moi qui décide. J'aime ce calibre. Hein? Oh, Ibn man anta. Ana ibn mudarrisi. Vas-y. Il fait la question et toi, tu réponds. Non, toi, lui, il pose la question, toi, tu réponds. Moi, je réponds comme ça. Non, tu réponds à ce qui est écrit. Vas-y, toi, mais pose la question, toi. C'est toi qui pose la question à Ali. C'est moi ? Pose-lui la question et il va répondre. Aïn al-kalbu. Tu vois, là. Aïn al-kalbu. Hein ? Hein ? Hein ? Donc les exercices, barjoufikum. Donc ça on a lieu. Après, donc le numéro 3. Exercice numéro 3. Iqra wa aktub ma'a dabt awakhir al-kalimat. Lis ou écris, ou plutôt lis et écris en mettant, en ajustant le numéro 3. En ajustant, il y en a correctement la fin des mots. Ça va? Le 5. Kawin jumlan, jumalan. Ta mufida, c'est écrit quoi? C'est pas écrit. Kawin jumlan, mufida. Le 5. Bima, mufida. Je sais pas, je vois pas, c'est mal écrit moi. Bimal iya, bimal iya. Ta kawin jumlan, kawin jumlan mufida. Bimal il farag fi ma yali. On dit, il dit kawin, c'est-à-dire fait une phrase. Fait une phrase, mufida, qui a un sens, quand même. Bimal il farag fi ma yali. En remplissant les espaces. Bimal i, c'est-à-dire remplissant. Bimal i. Avec ce qui convient. Bimal i. Fima yali. Fima yali, ce qui suit. Kawin jumalan mufida. Bimal il farah fima yali. Il farah, c'est quoi? Il farah, c'est l'espace. L'exercice numéro 6. Sahih al tarkibat al talia. Il dit. Le 5. Le 5, ouais. C'était quoi que vous avez dit pour l'espace? Le 6, il dit sahih al tarkibat al talia. En gros, il dit corrige les erreurs. Il a fait des. Il a composé entre deux mots, il dit tu corriges les erreurs. Il a fait des erreurs involontaires, à toi de les corriger. Mais tu ne corriges pas dans le domaine. Tout faut écrire. Hein. Vous reconnaissez les. Yakara Waktub Maha, Dabtawakh al Kalimat, Naam Fatsula, numéro 7. Lisez, ensuite vous écrivez en mettant, en ajustant la fin des mots. Yakara Ma Yali Murahayan Kawahad al Nukan Hamza. Ça, on va le lire tout de suite là. Le dernier. Tout ce qui est lecture, on va le faire ici. Et tout ce qui est écriture, tout ça, on va faire ici. Iqra ma yali mura'iyan qawa'id an-nutqi qawa'id an-nutqi hamzat al-wasl. Il dit li en observant la règle qui doit être observée pour hamzat al-wasl. Tamam? Là, lorsqu'il dit Ibn Muhammadin, Ibn Muhammadin, là, ça veut dire qu'il faut tout lire. Ibn Muhammadin fil al-Iraqi, c'est ça? Al-Iraq, ou Ibn Hamidin fil al-Hindi. Vas-y. C'est où ça? Numéro, juste avant le. C'est ça? Le nouveau vocabulaire. Vas-y, lis, après, la deuxième. Kharaja. Avec le. On va, il faut lire les mots. Hein? Faut lire. Le but du exercice, c'est de lire les mots. C'est pour ça que j'ai attendu avant de débuter. Kharaja ibn Tabibin. Ibn Tabibi. Min al Bayti. Zahaba. Ibn. Là. Hein? Le but c'est la liaison. Tu vas t'arrêter. Zahaba. Zahaba ibn. Zahaba ibn. Ça font des buts. Zahaba ibn. Al-Tajiri. Al-Tajiri. Ila souq. Ila souq. Le truc c'est de faire la liaison. Zahaba ibn al-Tajiri ila souq. Souf, souf c'est avec la chidane. Illa. Ismul muhandisi. Faisal. ابن من انت انا ابن الوزير المينيستر بفيس تمام دونك الكلمه خلاص الكلمات الجديده الرسول في المساجد تمام الكعبه معروف في الكوب كعبه الكوب الكعبه لا سي الكوب سي الكعبه سي لو كوب وكعبه سي ان كوب لكن الكعبه سي معروف عليكم السلام البيت الذي يطاف حوله attends finis juste ça là après on fait الاسم c'est quoi le nom bon nom الابن le fils تمام العم سي l'oncle le fils الابن c'est pas l'enfant l'enfant c'est الولد العم l'oncle paternel paternel ou le beau père il utilise ça mais c'est le verbe de respect de quoi le beau père ouais. Mais sinon c'est pas son beau père en chara c'est pas son beau père si tu enfin l'âme tu ne peux pas pour le beau père ouais l'âme c'est même pas même chez nous tu vois c'est Tu dis tonton le kadakada, c'est pourquoi? C'est une forme de respect, pour quelqu'un qui est plus grand. Ah, tonton. C'est une forme de respect, tu vois. C'est pas. Tam, al-khal. La tante. Non. L'oncle. L'oncle maternel. Al-haqiba. Le cartable, le sac. Al-sayyara. Voiture. Al-shari'. La rue. La rue, la route. La route, c'est plutôt la tariq. Al-shari'a, c'est plutôt la rue. Mughlaqun. Mughlaqun, une chose qui est mughlaqun. Tahta, on l'a vu. Hunak. والمهندس سبحانك اللهم وبحمدك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء إثعابي.